Nous nous retrouvons donc avec l'idée que la conscience de soi est insuffisante pour garantir l'identité de la personne, et même plus encore que peut-être cette identité est tout simplement une illusion. Peut-être que le moi n'existe pas vraiment, ou en tout cas de façon très instable, très précaire. C'est un peu cette idée qu'on a vue avec Hume et peut-être aussi avec la pensée bouddhiste. Alors cette idée-là, elle pose problème, notamment pour Emmanuel Kant. Kant considère qu'il faut bien que quelque chose assure la cohérence de nos représentations. Si nous avons des représentations, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui unifie ces représentations, qui leur permette même d'exister. Et donc, si le moi n'existe pas vraiment, s'il n'y a pas d'unité de la personne, Kant nous dit, bah alors à quoi se rapporteraient nos états de conscience? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des états de conscience qui existent à partir de rien? S'il y a état de conscience, c'est bien l'état de conscience de quelqu'un, d'un certain sujet. Il faut identifier ce sujet, hein, que Hume a l'air de faire disparaître, en tout cas de désagréger d'une certaine façon. Donc la conscience suppose qu'il existe bien un sujet conscient qui a une certaine unité pour Kant. Et il va chercher en fait une position un peu médiane entre d'une part Descartes et Locke et d'autre part Hume. Parce qu'il reconnaît en même temps, c'est un peu souvent ce que fait Kant, il aimerait bien suivre Descartes, mais souvent il lit Hume et puis il dit, ah oui, en fait, il a des bons arguments, donc il faut que j'essaie de lui répondre. Alors pour cela, pour trouver cette solution, en fait, il va opérer une distinction qu'on va expliquer, une distinction entre deux formes du sujet, deux manières de considérer le sujet humain. C'est, on peut le considérer soit du point de vue comme moi empirique, soit comme je transcendantal. Alors je, J-E, hein, l'article je. Donc c'est cette distinction entre moi empirique et je transcendantal. Donc d'un côté, Kant concède à Hume qu'effectivement, dans notre expérience consciente, nous ne pouvons jamais percevoir le moi lui-même. Notre expérience consciente, donc comme on l'a vu, hein, c'est un flux d'états qui n'est pas forcément très cohérent. Hein. Je ressens telle sensation, je réfléchis à telle idée, et ainsi de suite. Et comme le dit Hume, donc le moi empirique, c'est-à-dire le moi que nous percevons dans l'expérience, ben il est dépourvu d'unité. C'est, pour reprendre l'expression de Hume, c'est une sorte de faisceau changeant d'état, fluctuant. Donc ça, Kant le reconnaît, mais ça, il nous dit, ça c'est simplement le moi empirique. Ça ne résume pas ce qu'est le sujet. Le sujet, il est aussi autre chose que ce moi empirique qui est cette somme, cette succession d'états de conscience. Donc d'un autre côté, il nous dit, ce moi empirique ne résume pas ce que nous sommes, et Kant postule l'existence à l'arrière-plan de toutes nos représentations, ce qu'il appelle le je transcendantal, le sujet transcendantal. Transcendantal au sens où ce sujet, c'est la condition de possibilité de tous nos états de conscience. Hein, comme il nous dit, il faut bien que nos divers états de conscience se rapportent à un sujet unique, même si nous ne pouvons jamais percevoir ce sujet unique, ce je transcendantal lui-même. On ne peut jamais y accéder, mais il faut bien en postuler l'existence à l'arrière-plan de nos états de conscience. Donc, à chaque fois que nous éprouvons un état de conscience, pour Kant, que nous nous formons une représentation de quelque chose, que ce soit une représentation sensorielle ou propositionnelle, hein, comme on avait défini au début du cours, eh bien cette représentation, elle est implicitement accompagnée de l'idée du je, hein, c'est-à-dire que je sens cette fleur, je conçois ce triangle, je désire cette maison. En fait, toutes nos représentations, elles présupposent en fait un je qui se les représente. Alors c'est ce qu'il dit dans cet extrait d'un texte qui s'appelle l'Anthropologie d'un point de vue pragmatique, qu'on va lire, dans lequel il va vraiment insister sur cette représentation du je qui accompagne toutes nos représentations particulières. Je cite. Une chose qui élève infiniment l'homme au-dessus de toutes les créatures qui vivent sur la terre, c'est d'être capable d'avoir la notion de lui-même, du moi. C'est par là qu'il devient une personne. Et grâce à l'unité de conscience qui persiste à travers tous les changements auxquels il est sujet, il est une seule et même personne. Donc là, vous voyez, on retrouve cette idée un peu qu'il y avait chez Locke, notamment que il y a cette unité de la personne, cette identité de la personne qui est assurée par l'unité du sujet. Reprenons. La personnalité établit une différence complète entre l'homme et les choses, quant au rang et à la dignité. À cet égard, les animaux font partie des choses dépourvues qu'ils sont de personnalité, et l'on peut les traiter et en disposer à volonté. Donc là, vous voyez, ça c'est un point commun plutôt entre Kant et Descartes, à cette idée qu'il y a une différence radicale entre l'être humain et les animaux, et cette différence, elle réside dans la pensée, dans la conscience. L'être humain, il est pensant, il est conscient, donc il est supérieur aux animaux. Bon, ça c'est peut-être un des points qui a été très discuté par la suite. Je reprends la lecture. Alors même que l'homme ne peut pas encore dire moi, il a déjà cette idée dans la pensée, de même que doivent la concevoir toutes les langues qui n'expriment pas le rôle de la première personne par un mot particulier lorsqu'elles ont à l'indiquer. Cette faculté de penser est en effet l'entendement. Donc là, il nous dit, voilà, bon, évidemment, à la naissance, on ne sait pas encore dire je. Il y a certaines langues où on ne retrouve pas l'article je. Hein, bon, bien sûr, c'est vrai que dans beaucoup de langues, on a l'article, voilà, I, yo, ich. Voilà, on retrouve dans beaucoup de langues l'article de la première personne. Mais il existe des langues qui ne l'expriment pas. Mais il nous dit qu'en fait, implicitement, même si elles ne l'ont pas, eh bien, elles l'ont quand même. Bon, c'est cette idée que le je transcendantal, il n'a pas besoin d'être perçu, il n'a pas besoin d'être exprimé pour exister, parce que c'est vraiment une condition de possibilité de nos représentations. Pendant la lecture, à propos de l'enfant, il est à remarquer que l'enfant, lorsqu'il peut déjà s'exprimer passablement, ne commence cependant à parler à la première personne, ou par moi, qu'assez longtemps après, une année environ. Jusque-là, il parle de lui à la troisième personne. Charles veut manger, Charles veut marcher, etc. Lorsqu'il commence à dire moi, une lumière nouvelle semble en quelque sorte l'éclairer. Dès ce moment, il ne retombe plus dans sa première manière de s'exprimer. Auparavant, il se sentait simplement. Maintenant, il se pense. Donc là, il nous dit, bon, même si l'enfant, dans les premiers mois, les premières années de sa vie, ne sait pas encore dire je, et que ce je est présupposé par ses représentations, c'est vraiment le moment où il va avoir cette capacité de dire je que là, il va accéder à la pensée, il va devenir un être, un sujet proprement dit, c'est-à-dire un être qui peut non seulement se sent, hein, ça va avoir une conscience immédiate, mais peut accéder à une conscience réfléchie, il peut se penser lui-même, réfléchir sur ses propres actes, se représenter lui-même comme un être indépendant, des autres.